Chapitre 4. Le télégramme fantastique. L'instruction de l'affaire tirait à sa fin. Le parquet demande d'aller transmettre son dossier à Versailles. À ce moment, le juge d'instruction, M. Duranton, écrivit à un de ses jeunes cousins, Maître Thirion, avocat à la cour d'appel de Paris, débutant dans la carrière. « Bien, j'ai pour toi une affaire merveilleuse qui exercera ton talent, te formera. » Le jeune avocat accourut à Mantes. « Je t'ai fait nommer d'office, lui dit le juge d'instruction, c'est-à-dire que tu ne toucheras pas un sou, mais tu auras de la gloire. Bien, mon cousin, voyons cette affaire. » Maître Thirion avait alors 25 ans. Secrétaire d'un des maîtres illustres du barreau, il commençait à voler de ses propres ailes. Très intelligent, vif, travailleur, doué d'une parole facile et prenante, d'une voix chaude, il comptait déjà quelques jolis succès. L'affaire que proposait M. Duranton à son cousin ne pouvait que plaire à ce dernier. « Voici, dit le juge à l'avocat, il faut défendre. Il faut sauver un homme que tout accuse et que le jury sera forcé de condamner devant l'épreuve, alors que j'ai la conviction morale que cet homme n'est pas coupable. Bon. Moi, je vais signer un non-lieu en sa faveur. J'ai dû envoyer son dossier à la chambre des mises en accusation et la chambre des mises en accusation refuse le non-lieu et maintient l'accusation. » Le père Gervais passera aux assises de Seine-et-Oise à Versailles. Le vieux braconnier ne veut pas de défenseur, mais je t'ai fait nommer d'office. Tu auras à voir cet homme et te faire agréer par lui, surtout à le défendre et obtenir son acquittement. C'est tentant. Le père Gervais ne veut donner aucune explication. C'est une espèce de sauvage, d'homme des bois. En convaincant le jury de son innocence, en t'arrangeant pour le sauver, malgré l'épreuve, tu nous rendras un fier service. À mes auxiliaires et à moi. Je te serai, moi, grandement reconnaissant de m'éviter une odieuse erreur judiciaire. » Levant les bras, le juge Duranton s'écria. « Oh, l'erreur judiciaire ! L'erreur judiciaire ! Éloignez de moi ce calice, Seigneur. Pas d'erreur judiciaire, non, non !» Le jeune avocat promit de faire tout son possible pour contenter son parent. Et il demanda à être mis en présence du vieux braconnier qu'il devait défendre. Depuis quelques jours, le père Gervais pouvait quitter non seulement le lit, mais la chambre. Sa blessure était guérie. Il ne lui restait comme souvenir, déclarèrent les médecins, qu'un peu de claudication. Pour le moment, on l'aidait à descendre dans la cour de l'hospice. Là, au moyen de béquilles, il parvenait à faire quelques pas de promenade au soleil. Le père Gervais ne pouvait s'enfuir, on ne le gardait même pas, et il demeurait non comme prisonnier, mais comme convalescent, à la disposition du juge. Dans la cour avec les autres malades, en voie de guérison, il restait de longues heures à l'air. Mais sombre, farouche, ne parlant à personne, ne répondant pas quand on lui parlait, il s'asseyait dans un coin, fumait sa pipe quand il avait du tabac, la tenait vide dedans quand il n'en avait pas, et pleurait longuement. C'est dans la cour de l'hospice que le jeune avocat alla donc le trouver. Le père Gervais s'y tenait sur un banc, le dos appuyé à un gros arbre. Il gardait ses béquilles sur ses genoux et les bras croisés sur sa poitrine. Aux lèvres, la pipe, mais vide. Il ne tourna même pas la tête pour voir l'avocat qu'un infirmier conduisait près de lui. « Père Gervais, dit Maître Thirion, je suis l'avocat chargé de votre défense. » Alors le père Gervais tourna sa tête vers le jeune homme. Il le regarda, l'examina, l'étudia. Maître Thirion avait un visage franc, ouvert, les yeux droits, une allure sympathique. Cet examen que lui fit subir le vieux braconnier fut sans doute en sa faveur car, tirant sa pipe de sa bouche, il consentit enfin à parler. « Vous allez, monsieur, vous donner bien du mal pour rien. J'espère vous sauver. Je n'y tiens pas. » Maître Thirion sursauta. « Vous ne voulez pas être sauvé. Vous allez vous laisser condamner, punir, mettre en prison, quand vous êtes innocent. » Le père Gervais haussa les épaules. « Les preuves sont contre moi, les preuves m'accablent. Vous ne pourrez rien contre l'épreuve. C'est bien ce que nous verrons. » Le père Gervais eut alors dans sa barbe hirsute comme un sourire. « Vous êtes jeune, monsieur. C'est beau, la jeunesse. Ça croit au bien, au droit, au juste. » Puis secouant la tête, il ajouta. « Restez jeune, monsieur. Restez jeune le plus longtemps possible. C'est le mieux pour vous. Mais pour n'avoir pas de désillusion dès les premiers pas, ne vous chargez pas de ma défense. » Il remit alors sa pipe vide entre ses dents et ne voulut plus parler. Maître Thirion, après avoir essayé de lui arracher quelques paroles, lui saisit la main et la serra fortement. « Père Gervais, dit-il, je vous sauverai malgré vous. » Le braconnier ne bougea pas et sans même tourner la tête pour dire au revoir, il laissa aller son défenseur. Le lendemain, le jeune avocat retrouvait le père Gervais au même endroit. Comme la veille, le vieux braconnier tenait sa pipe entre ses dents, mais il ne fumait pas. Il n'avait pas d'argent pour acheter du tabac. Il était trop fier pour en demander à d'autres malades. Maître Thirion vint s'asseoir à côté de lui. Il commença par lui parler de choses tout à fait étrangères au procès, à l'affaire. Ils parlèrent campagne, rivière, bois. Maître Thirion entama la question fusil et gibier. « Ah, vous êtes chasseur ?» lui demanda alors le père Gervais, qui jusque-là écoutait sans broncher. « Vous êtes chasseur, je vois ça. »« J'aime beaucoup la chasse. Est-ce que par ici le gibier est bon ?» Malgré lui, le père Gervais se laissa entraîner sur ce chemin. Les voilà tous deux parlant de chasse et en tant que chasseur devenu confiant, ami. Machinalement, sans que cela parût prémédité, tout simplement, maître Thirion tira de sa poche une pipe de bois, une pipe de chasse. Il la bourra. Et comme cela se fait en compagnie, entre chasseurs, il tendit la blague au vieux braconnier, tout en continuant de raconter une de ses prouesses. Le père Gervais prit la blague, il hésita un moment, regarda le tabac, sa pipe, le jeune avocat. Et alors, tout d'un coup, avec émotion, il s'écria, pour la première fois depuis son malheur parlant à plein cœur. « Ah, tenez, vous êtes un brave garçon. Merci, merci. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» fit maître Thirion feignant de ne point comprendre. « Il y a que vous connaissez ma passion, ma vie, la chasse, et que vous me parlez de ce que j'aime seulement au monde. Pardon, mais j'aime aussi la chasse. Il y a encore que vous avez bien vu que je n'avais pas de tabac, que vous vous êtes dit que je n'avais pas de sous pour en acheter, et que vous vous êtes arrangé pour m'en donner. » Sans me froisser, me donner de quoi bourrer ma vieille pipe, ma fidèle compagne. Vous me donnez tout simplement en camarade du tabac. J'ai bien compris, allez. Oui, vous êtes un brave garçon, un bon cœur. Et cette pipe de tabac que je vous prends, que je n'ai pas la force de vous refuser, que j'accepte avec reconnaissance, votre pipe de tabac sera peut-être la meilleure que j'aurai fumée de ma vie. Bon, nous en fumerons d'autres, en forêt. Oui, quand vous serez libre. Quand je vous aurai tiré des mains de la justice. » Le vieux braconnier, alors heureux, reconnaissant, fuma comme religieusement sa pipe. Pour mieux fumer, tout en écoutant le jeune avocat parler, il levait la tête, et à travers le feuillage des tilleuls de la cour de l'hôpital, regardait passer dans le bleu les gros nuages. Il avait peut-être l'illusion d'être dans la forêt. Pour un moment, il oublia le présent, et laissa son esprit de brave homme s'en aller avec la fumée de sa bonne pipe à travers les feuilles, à la suite des nuages vers la forêt où s'écoula sa vie. « Allons, mon cousin, dit en rentrant joyeux le jeune avocat, je suis certain maintenant que vous n'aurez pas votre erreur judiciaire et que je vous arracherai l'acquittement du père Gervais. Nous avons fumé ensemble la bonne pipe. » La date du jugement de cette affaire, dont l'instruction avait été des plus difficiles, approchait. Le juge d'instruction du Renton avait enfin transmis son dossier à Versailles. Tout était prêt, tout promettait des scènes émouvantes, dont la ville du grand roi garderait à jamais le souvenir. Et voici soudain que cet échafaudage juridique, si consciencieusement établi, se trouva à peu près démoli, jeté à terre. Il y eut comme un coup de tonnerre sur la tête du juge Duranton. Une dépêche lui parvint un matin dont il fut comme assommé, dont il ne put qu'à grand-peine comprendre le sens. Le secrétaire du parquet, le substitut Romantin, le greffier du tribunal, le cousin maître Thirion, tous s'y mirent pour arriver à établir le sens véritable, à édifier en somme une réalité qui semblait tout bonnement fantastique au plus haut point. Ce télégramme, daté d'Amérique, disait « Apprends ici par journaux terrible malheur arrivé à la tilleuse. Incendie, maladie Madeleine, veuillez constater erreur sur victime braconnier. » Mort calvaire et non pas comte Armand de Saint-Rion, mais son domestique Alexandre. Comte de Saint-Rion, bien vivant en Amérique. Désolé, navré, malade de chagrin, mais vivant. Arriverait sous quelques jours rétablir vérité. Prière prévenir Porphyre et Madeleine. Remerciements. Comte Armand de Saint-Rion. Les magistrats lurent et relurent cette dépêche aussi dramatique qu'inattendue. Ils l'épluchaient, l'étudiaient, la traduisaient, la tournaient dans tous les sens. Les uns après les autres n'y voyaient en fin de compte que ce qu'elle contenait aussi clairement et d'une façon aussi précise qu'il est possible dans un câblogramme. En résumé, dit maître Thirion, qui conservait plus de liberté d'esprit, en résumé, la dépêche dit que la victime n'est pas le comte de Sarion, mais son domestique. Elle dit que le mort n'est pas Armand, mais Alexandre. Et celui qui envoie cette dépêche est précisément celui qu'on croit assassiné. C'est le comte de Sarion. Voilà, s'écria le juge Duranton, voilà ce qui est inexplicable. Je trouve, quant à moi, que c'est absolument clair. Clair peut-être, mais invraisemblable. Tout à fait logique, au contraire. Il y a un homme tué. Vous prétendez que c'est le comte de Sarion. Et le comte de Sarion, qui, plus que tout autre, sait lui d'une façon irréfutable à quoi s'en tenir, vous dit « Ce n'est pas moi le mort, c'est mon domestique. » Je ne vois rien qui puisse être plus clair. « Pardon, pardon, » s'écria le bon juge d'instruction. « Mais nous avons établi que le mort était le comte de Sarion. » « Ce n'est pas une raison pour que ce soit exact. »« Ah, permets, permets !»« Voulez-vous me permettre aussi de vous demander comment vous avez pu établir d'une façon inébranlable que la victime était le comte et non pas son domestique ?»« Mais les papiers que l'on a trouvés sur Gervais qui venaient de dépouiller le mourant, cela ne constitue pas une preuve, parce que le comte a fort bien pu donner ses papiers à son domestique pour les porter à la tilleuse, les remettre à Madame Madeleine. »« C'est possible, en effet, mais le comte a été reconnu. »« Par qui ?» Par le père Porfilet ? Non. Le vieux fermier ne connaissait pas le comte, il ne l'avait jamais vu. Bien, par qui alors ? Par sa femme, par Madeleine. Elle l'a reconnu, bien reconnu, sans doute. Sans doute n'est pas suffisant, en pareil cas. Il faut une affirmation ferme, précise, complète. Or, vous ne pouvez la donner. Et je gage au contraire que Madeleine, dans sa douleur, n'a pu reconnaître son mari. Je m'explique. On ramène au milieu de la nuit, à la tilleuse, un homme blessé, mourant, couvert de sang, de poussière. Il a les cheveux embroussaillés, le visage maculé, il est méconnaissable. Tenons compte, en outre, de l'état d'esprit des gens chez qui on le ramène. Le père Porfilet, Madeleine, énervé, anxieux, attend d'heure en heure le comte qui n'arrive pas. Il y a dans le fait de la reconnaissance un peu de suggestion. Madeleine surtout, faible, souffrante, ayant son esprit fragile, hélas tout à fait tendu, l'âme prise par l'attente du bien-aimé. « Il y a du vrai dans ce que tu nous dis, » fit M. Duranton. « Il y a beaucoup de vrai. Continue. » Ici, nous nous servons des déclarations mêmes du sergent Dalmet, dont la conduite en cette affaire fut digne de tous les éloges. Le sergent Dalmet vous a dépeint la douleur de Madame Madeleine quand elle vit arriver la voiture, quand elle n'entendit pas la voix de celui qu'elle attendait avec tant d'anxiété, quand elle ne l'aperçut pas. Elle fut frappée par le malheur dont son âme aimante avait le pressentiment, et déjà, à ce moment, le sergent déclare que sous le coup de la souffrance terrible, Madame Madeleine lui semblait n'avoir plus conscience de rien. Elle était, disons le mot, folle de douleur. Folle. Chez le père Porfilet, dans l'alcôve où on déposa le blessé, il faisait presque nuit. Comment voir, reconnaître le mourant ? D'autant plus que Madeleine prit la tête dans ses bras désespérément. Elle oublia tout. Tout. Jusqu'à son enfant, sa Paulette, qu'elle adorait cependant. Elle fut au bien-aimé, ou plutôt, son âme torturée s'envola de la terre, où tant de souffrances la frappaient. Le jeune avocat ajouta, « Voilà le témoignage du seul personnage connaissant le comte de Sarion. On ne peut en tenir compte. » Avec le plus grand intérêt, le juge Duranton écoutait le jeune avocat expliquer sa pensée. « Achève, mon ami, lui dit-il, tu me fais voir cette dramatique affaire sous un jour tout nouveau. Remontons, si vous le voulez bien, reprit maître Thirion, un peu plus haut que le moment où l'on découvre sur la route, près du calvaire, dans le bois de Fontenay, le corps d'un homme que l'on croit être le comte de Sarion. Prenons comme point de départ l'auberge du Cheval Blanc, tenue par un excellent homme, Dambel. L'enquête, très soigneusement faite par Beaussoin, établit un fait très important. Quelques heures avant le crime, dans l'auberge du Cheval Blanc, se trouvaient l'illustre Perpignan et son épouse. « C'est exact, » dit M. Duranton. Ensuite, presque en même temps, un consommateur nouveau arrive. Or, Danvel déclare que cet homme lui a dit qu'il se nommait Alexandre, qu'il était le valet de chambre du comte de Sarion. Très exact encore. Et ce valet de chambre du comte de Sarion apprend à Danvel que son maître l'a envoyé en avant, parce que retenu à Paris par une affaire urgente, il ne pouvait, malgré tout son désir de revoir sa femme, venir avant le dernier train, ou le lendemain, ou peut-être pas même les jours suivants. C'est vrai. Ces faits posés, nous devons admettre que le motif qui retarda le comte de Saint-Riond, il retarda Paris, fut assez puissant pour le retenir encore plus longtemps qu'il ne le pensait, pour le forcer même à ne pas aller à la Tilleuse et à prendre le bateau pour l'Amérique. Le comte de Saint-Riond seul pourra nous éclairer sur ce point. Nous devons donc l'attendre. M. Duranton approuva Maître Thirion. Mais, continua le jeune avocat, pendant ce temps, nous devons tenir pour certaine, pour exacte, la déclaration de cet Alexandre, car ses paroles sont en quelque sorte corroborées par la dépêche qui nous cause une si forte et si juste émotion. Alexandre a dit à Dorbel qu'il était envoyé en avant pour assurer Madame Madeleine, pour lui remettre des papiers, des documents. Vous entendez, des documents, en attendant la venue du comte. Le juge d'instruction s'écria « Parfait, parfait !» Cela nous donne en effet l'explication de la présence des documents sur la victime et dans la poche de Gervais. Cela nous permet d'établir que le porteur de ces papiers pouvait ne pas être le comte de Saint-Riond, mais son domestique. Et en vérité, il m'a toujours semblé extraordinaire que le comte de Saint-Riond s'avisa de s'en aller seul, la nuit, à travers un pays qu'il ne connaissait pas, tandis que le domestique, lui, qui connaissait le pays, qui y est venu autrefois, s'est mis en route avec la nuit. Ce que venait de dire le jeune avocat Thirion produisit sur M. Duranton une forte impression. Son opinion première, établie sur les faits relevés au cours de son enquête, se trouvait du coup absolument modifiée. Longuement, il repassa, il étudia avec le substitut, M. Romantin, ses divers points nouveaux. La conclusion qu'ils en tirèrent fut qu'il fallait attendre la venue du comte de Saint-Riond avant de se former une opinion définitive. Nous mettrons forcément le comte de Saint-Riond, dit M. de Duranton, en présence de Madeleine. Ce sera une dramatique confrontation en vérité, mais nous verrons si, en face de celui qu'elle aime tant, dans l'esprit troublé de cette malheureuse femme, se produira une éclaircie. Nous verrons si la voix du bien-aimé, ses paroles, rappelleront la pauvre âme égarée par la douleur. Ce serait, monsieur le juge, pour tous, pour cette jeune femme et pour nous, la justice, un grand bonheur. Il se peut, en effet, et cela faciliterait beaucoup notre tâche délicate. Il se peut que l'amour fasse un miracle. Si Madame Madeleine redevient elle-même, si elle recouvre la raison, elle reconnaîtra celui qu'elle croyait jamais perdu. Le jeune avocat Thirion vivement dit à ce moment « Mon cher cousin, je souhaite comme vous que ce miracle se produise. Mais supposez que Madame Madeleine recouvre la raison en présence du comte de Saint-Riond, revenant, ou pour éviter tout jeu de mots, de retour d'Amérique, et qu'en cet homme, elle ne reconnaisse pas le comte de Saint-Riond. » M. Duranton secoua les mains désespérément. « Hein, mon ami » s'écria-t-il, « tu nous poses là un point d'interrogation tellement gros, tellement terrible, que je ne me sens pas le courage d'en supposer même la réponse. Ce serait effroyable. » Cependant, revenant le soir avec le bon juge, le jeune avocat tenace lui dit encore « Voyez, mon cher cousin, il y a dans tout cela un fait absolument regrettable. Lequel, mon ami ? C'est que l'incendie de la Tilleuse ait détruit le corps du domestique Alexandre. » Le juge d'instruction sursauta. « Ah ça ! » s'écria-t-il. « Aurais-tu maintenant cette pensée que le mort, l'homme assassiné au calvaire, était véritablement le comte de Saint-Riond, et que l'homme qui nous arrive est le domestique ?» Le jeune avocat, pour ne pas répondre à cette question précise, semble avoir bien du mal, dans le courant d'air, à allumer sa cigarette.